Exercice 14, page 125. Le lieutenant de police Tenon habite presque encore chez sa maman. C'est un quartier de pavillons aux petites rues calmes, à moins de 100 mètres de la capitale et du 15e arrondissement, l'ancienne banlieue ouvrière. Oscar Tenon habite une petite maison de deux pièces au fond du jardin d'Yvonne Tenon.